Gustavo Adolfo Bécquer, Le bracelet d'or. Elle était belle, belle de cette beauté qui donne le vertige, belle de cette beauté qui, tout en étant surnaturelle, ne ressemble en rien à celle que nous rêvons chez les anges. Beauté diabolique que le démon accorde à certains êtres pour en faire ses instruments sur la terre. Il l'aimait de cet amour qui ne connaît ni frein ni limite. Il l'aimait de cet amour qui cherche le plaisir et ne trouve que le martyr. Amour qui ressemble au bonheur et que le ciel paraît inspirer pour servir d'expiation à une faute. Elle était capricieuse, capricieuse et extravagante, comme toutes les femmes du monde. Lui, superstitieux, superstitieuse et brave, comme tous les hommes de son époque. Elle s'appelait Maria Outuniez, lui, Pierre-Alphonse de Orellana. Tous deux étaient de Tolède, et tous deux habitaient la ville où ils étaient nés. La tradition rapporte cette merveilleuse histoire arrivée il y a bien des années, mais elle ne dit rien de plus sur les personnages qui en furent les héros. Moi, en chroniqueur fidèle, je n'ajouterai pas un seul mot, de mon cru, pour les mieux caractériser. 2. Il la trouva un jour en pleurs et lui demanda « Pourquoi pleures-tu ? » Elle s'essuya les yeux, le regarda fixement, exhala un soupir et se reprit à pleurer. Pierre, alors, s'approchant de Marie, lui saisit la main, appuya le coude sur la balustrade arabe d'où la belle regardait passer le courant de la rivière et lui dit encore « Pourquoi pleures-tu ? » Au pied du belvédère, le Tage roulait, en mugissant, au milieu des rochers sur lesquels est assise la cité impériale. Le soleil disparaissait derrière les montagnes du voisinage. La brume du soir flottait comme un voile de gaze bleue, et seul, le bruit monotone de l'eau troublait le silence de la nature. Marie s'écria. « Ne me demande pas pourquoi je pleure, ne me le demande pas. Je ne saurais te répondre et tu ne saurais me comprendre. Il y a des désirs qui meurent étouffés dans nos cœurs de femmes sans que rien, pas même un soupir, les ait révélés. Idées folles que traverse notre imagination, sans que les lèvres osent les formuler, phénomènes incompréhensibles de notre mystérieuse nature, que l'homme ne pourrait même concevoir. Je t'en prie, ne me demande pas la cause de mon chagrin. Si je te la révélais, je t'arracherais peut-être un éclat de rire. » Elle cessa de parler, inclina de nouveau son front, et il lui réitéra ses questions. La belle gardait un silence obstiné. Elle le rompit enfin et dit à son amant, d'une voix sourde et entrecoupée, « Tu le veux? C'est une folie qui te fera rire. N'importe, je vais te la conter, puisque tu le désires tant. Hier, je suis allée au temple. On y célébrait la fête de la Vierge. Son image, placée au centre du maître-autel, sur un socle d'or, resplendissait comme un charbon ardent. Les sons de l'orgue tremblaient en se dilatant, d'écho en écho, à travers l'église et dans le cœur, les prêtres chantaient le Salve Regina. Je priais abîmé dans mes pensées religieuses, lorsque machinalement, je levai mes regards vers l'autel. Je ne sais pourquoi mes yeux se fixèrent d'abord sur l'image. Je dis mal, non pas sur l'image, mais ils se fixèrent sur un objet que jusqu'alors je n'avais jamais vu. Un objet qui, sans que je puisse me l'expliquer, attirait toute mon attention. Ne ris pas. Cet objet était le bracelet d'or que la Mère de Dieu portait au bras sur lequel repose son divin Fils. Je détournai les yeux et me remis à prier. Impossible, mes regards revenaient involontairement sur le même point. Les lumières de l'autel, se reflétant dans les mille facettes de ces diamants, se reproduisaient d'une façon prodigieuse. Des milliers d'étincelles aux reflets rouges et bleus, verts et jaunes, voltigeait autour des pierres précieuses, comme un tourbillon d'atomes de feu, comme une vertigineuse ronde de ces esprits des flammes, qui fascinent par leur éclat et leur incroyable mobilité. Je sortis du temple. Je revins à la maison, mais j'y revins avec l'imagination pleine de cette idée. Je me couchai pour dormir, sans réussir à trouver le sommeil. La nuit passa, éternelle comme ma pensée. À l'aube, mes paupières se fermèrent, et, le croiras-tu, même dans mon sommeil, je voyais passer, s'éloigner et revenir de nouveau une femme brune et belle qui portait le bracelet d'or et de diamants. Une femme, oui, ce n'était plus la Vierge que je vénère et devant laquelle je m'humilie. C'était une femme comme moi, qui me regardait et riait en se moquant de moi. « Le vois-tu ? » semblait-elle me dire, en montrant le bijou, « comme il brille. On dirait un cercle d'étoiles arrachées du ciel durant une nuit d'été. Le vois-tu ? Eh bien, il n'est pas à toi, et ne le sera jamais, jamais. Tu en auras d'autres, peut-être plus beaux et plus riches, si c'est possible. Mais celui-ci, qui resplendit d'une façon si fantastique, si fascinatrice, jamais, jamais. » Je m'éveillai, mais avec la même idée fixée ici. Et alors, comme maintenant, semblable à un clou brûlant, diabolique, inéluctable, inspiré sans doute par Satan lui-même. « Quoi, tu te tais ? Tu te tais ? Et tu courbes la tête ? Est-ce que ma folie ne te fait pas rire ?» Pierre, par un mouvement convulsif, serra la poignée de son épée, leva la tête qu'il tenait inclinée et dit d'une voix sourde. « Quelle vierge possède le joyau ?»« Celle du Sagrario ?» murmura Marie. « Celle du Sagrario ?» répéta le jeune homme avec l'accent de la terreur. « Celle du Sagrario de la cathédrale ?» Et sur ses traits se peignit l'état de son âme, épouvantée par une pensée. « Ah, pourquoi une autre vierge ne le possède-t-elle pas » continua-t-il d'un ton énergique et passionné. « Pourquoi l'archevêque ne l'a-t-il pas dans sa mitre, le roi dans sa couronne ?» ou le diable dans ses griffes, je le leur arracherai pour toi, au prix de ma vie ou de ma damnation. Mais la Vierge du Sagrario, notre patronne, moi qui suis née à Tolède, impossible, impossible. Jamais, murmura Marie d'une voix à peine perceptible, jamais. Et elle continua à pleurer. Pierre jeta un regard stupéfié sur le courant de la rivière qui coulait toujours devant ses yeux égarés, et se briser, au-dessous du belvédère, contre les rochers sur lesquels est assise la cité impériale. 3. La cathédrale de Tolède. Figurez-vous une forêt de gigantesques palmiers de granit, qui, entrelaçant leurs branches, forment une voûte colossale et magnifique, sous laquelle s'abrite et vit de la vie que lui a donnée le génie, toute une création d'êtres imaginaires et réels. Figurez-vous un chaos incompréhensible d'ombre et de lumière, où se mêlent et se confondent avec les ténèbres des nefs les rayons coloriés des fenêtres, où l'éclat des lampes lutte et se perd dans l'obscurité du sanctuaire. Figurez-vous un monde de pierre, immense comme l'esprit de notre religion, sombre comme ses traditions, énigmatique comme ses paraboles. Et vous n'aurez encore qu'une faible idée de ce monument éternel de la foi enthousiaste de nos ancêtres, sur lequel les siècles ont versé à foison les trésors de leurs croyances, de leurs inspirations et de leurs arts. Dans son sein habite le silence, la majesté, la poésie du mysticisme et une sainte horreur qui en interdit le seuil aux pensées mondaines et aux mesquines passions de la terre. Respirer l'air pur des montagnes adoucit la consomption matérielle. Respirer son atmosphère de foi doit guérir l'athéisme. Mais si grande, si imposante que se montre à nos yeux la cathédrale, quelle que soit l'heure où l'on pénètre dans son enceinte mystérieuse et sacrée, jamais elle ne produit une aussi profonde impression que les jours où elle déploie toute la splendeur de sa pompe religieuse, où ses tabernacles se couvrent d'or et de pierreries, ses marches de tapis et ses pilastres de tenture. Alors, quand ces 1000 lampes d'argent brillent en jetant un torrent de lumière, quand un nuage d'encens flotte dans l'air et que les voix du chœur, l'harmonie des orgues et les cloches de la tour font trembler l'édifice depuis les profondeurs des fondations jusqu'aux plus hautes flèches qui le couronnent, alors on comprend, en la sentant en soi, la terrible majesté du Dieu qui habite dans son sein, l'anime de son souffle et le remplit du reflet de sa toute-puissance. La scène que nous venons de décrire eut lieu le jour même où l'on célébrait, à la cathédrale de Tolède, la dernière fête de l'octave de la Vierge. Cette fête religieuse y avait amené une immense multitude de fidèles. Mais déjà la foule s'était dispersée dans toutes les directions. Déjà, on venait d'éteindre les cierges des chapelles et du maître-autel, et les portes colossales du temple avaient grincé sur leurs gonds pour se fermer derrière le dernier tolédan, lorsqu'un homme sortit de l'ombre, pâle, plus pâle que la statue du tombeau sur lequel il s'appuya pendant qu'il dominait son émotion, puis se glissa mystérieusement jusqu'à la grille du chœur. La lueur d'une lampe permit de distinguer ses traits. C'était Pierre. Que s'était-il passé entre les deux amants pour qu'il eût été amené à mettre à exécution une idée dont la conception seule avait fait dresser d'horreur ses cheveux? On ne le sut jamais, mais il était là pour réaliser son criminel projet. Dans son regard inquiet, dans le tremblement de ses genoux, dans les larges gouttes de sueur qui tombaient de son front, il portait sa pensée écrite. La cathédrale était déserte, complètement déserte, et plongée dans un profond silence. Cependant, de temps en temps, on entendait certaines rumeurs confuses. Les craquements du bois, peut-être, ou les murmures du vent, ou, qui sait, l'illusion accidentelle de la fantaisie qui entend, voit et touche, dans son exaltation, ce qui n'existe pas. Mais, à vrai dire, tantôt près, tantôt loin, parfois derrière lui, parfois à ses côtés, résonnaient des sanglots étouffés, des frôlements d'étoffes qu'on traîne, ou des bruits de pas qui vont et viennent sans cesse. Pierre fit un effort pour continuer son chemin. Il atteignit la grille et gravit la première marche du maître-autel. Autour de cette chapelle se trouvent les tombeaux des rois, dont les statues en pierre, la main sur la garde de l'épée, semblent veiller nuit et jour sur le sanctuaire à l'ombre duquel il repose pour l'éternité. « En avant !» murmura-t-il à voix basse, et il voulut marcher. Mais il ne le put pas. Ses pieds semblaient cloués au pavé. Il baissa les yeux, et ses cheveux se hérissèrent d'horreur. Le sol de la chapelle était formé de larges et sombres dalles sépulcrales. Il crut, un moment, qu'une main froide et décharnée le retenait à cette place, avec une force irrésistible. Les lampes mourantes, qui brillaient au fond de la nef, comme des étoiles perdues dans les ombres, oscillèrent à sa vue. Les statues des tombeaux, les images des autels oscillèrent, et oscilla aussi le temple entier, avec ses arceaux de granit et ses piliers en pierre de taille. « En avant !» exclama Pierre de nouveau, tout hors de lui, et il s'approcha de l'autel. Et en grimpant dessus, il atteignit le piédestal de la Vierge. Autour de lui, tout revêtait des formes chimériques, horribles. Tout était ténèbres, ou lueurs incertaines, plus imposantes encore que l'obscurité. Seule, la reine des cieux, doucement éclairée par une lampe d'or, semblait sourire, tranquille, bienveillante et sereine, au milieu de tant d'horreurs. Cependant, ce sourire muet, immobile, qui l'avait tranquillisé un instant, finit par lui inspirer de nouvelles craintes, craintes plus étranges, plus profondes que celles qu'il avait éprouvées jusqu'alors. Malgré tout, il parvint à se dominer et ferma les yeux pour ne pas voir l'image, allongea la main avec un mouvement convulsif et lui arracha le bracelet d'or, offrande pieuse d'un saint archevêque, le bracelet d'or qui valait une fortune. Le bijou était en son pouvoir. Ses doigts crispés le serraient avec une force surnaturelle. Il n'avait qu'à fuir, à fuir en l'emportant. Mais pour cela, il devait ouvrir les yeux, et Pierre n'osait pas regarder l'image de la Vierge et les statues de bois sur leurs tombeaux, les démons des corniches, les monstres des chapiteaux, les bandes d'ombre et les rayons de lumière qui, semblables à de blancs fantômes gigantesques, se mouvaient lentement au fond des nefs peuplées d'étranges et d'effrayantes rumeurs. Enfin, il ouvrit les yeux, jeta un regard, et un cri aigu s'échappa de ses lèvres. La cathédrale était remplie de statues qui, couvertes d'accoutrements bizarres, étaient descendues de leur niche et occupaient tout l'intérieur de l'église, en le regardant de leurs yeux sans prunelles. Saints, nonnes, anges, démons, guerriers, dames, pages, cénobites et vilains se remuaient et se confondaient dans la nef et sur l'autel. À ses pieds officiers, en présence des rois agenouillés sur leurs tombeaux, les archevêques de marbre, qu'il avait vus naguère immobiles sur leur lit mortuaire, tandis que, rampant sur les dalles, grimpant sur les piliers, accroupis sur les dés, suspendus aux voûtes, pullulés comme les vers d'un immense cadavre, tout un monde de reptiles et d'animaux de granit, chimériques, difformes, horribles. Il ne put résister davantage. Ses tempes battirent avec une violence épouvantable. Un nuage de sang obscurcit ses yeux. Il poussa un second cri, un cri déchirant, surhumain, et tomba évanoui sur l'autel. Quand le jour suivant, les sacristains le trouvèrent au pied de l'autel, il tenait encore le bracelet d'or entre ses mains. En les voyant approcher, il s'écria avec un éclat de rire strident : « Pour elle ! Pour elle !» Le malheureux était fou.